Paris, au revoir Paris, je m'en vais dans la nuit. C'est déjà fini, tant de rêveries que jamais l'on n'oublie. Jamais l'on n'oublie. Au revoir Paris et tous les amis que j'ai connus ici. Mais je garderai tout au fond de moi ce souvenir de toi. Au revoir à Paris, au revoir à Paris, avec mélancolie. Je m'en vais ainsi, tout seul cette nuit. Mon roman est fini. Mon roman est fini. Au revoir à Paris, au revoir chérie. Souris-moi, je t'en prie. Nous étions si bien, nous étions trop bien. Merci à Saint-Germain. Si loin que je sois, ce souvenir.